Le sort. Прослушайте текст. Согласны ли вы с тем, что коровы были заколдованы? Почему они отказывались следовать за хозяином? Je me disais, c'est elle qui a jeté un sort sur notre jument. Un jour, en effet, alors qu'il était allé à Prax avec la charrette, mon grand-père avait surpris Paulette en train de caresser la jument. Aussitôt, la bête se mit à hennir, à piaffer, à ruer, à détaler à bride abattue. D'un bond, elle sauta la rivière. Les roues de la charrette ne touchèrent même pas l'eau. Fort heureusement, la jument, épuisée, s'arrêta d'elle-même avant l'entrée du village. Il ne pouvait y avoir aucun doute. Paulette avait jeté un sort. Elle avait d'ailleurs joué un tour semblable aux vaches de rivière, mais cette fois-ci en les empêchant de partir. C'était moins dangereux. Rivière venait de charger du fourrage du côté de la borde et, en dépit des ordres reçus, les vaches restèrent clouées sur place. Rien ne put les faire démarrer, ni douceur, ni menace. Découragé, l'homme repartit seul et, chemin faisant, il rencontra Paulette qui lui dit « Laisse les vaches en paix et reviens ce soir avant la nuit. Dès qu'elles te verront apparaître au bout du chemin, elles repartiront. » Et cela se passa comme Paulette l'avait dit.